Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Le 17 novembre 1912, Franz Kafka, alors âgé de 29 ans, annonce à Felice Bauer qu'il a conçu au réveil le projet d'une petite histoire liée à un cauchemar. Trois semaines plus tard, le 7 décembre, il lui annonce qu'elle est terminée. Elle sera publiée pour la première fois en octobre 1915 dans une revue et s'intitule Die Verwandlung, titre qui sera traduit en français par La Métamorphose. C'est le plus long récit publié du vivant de Kafka et aussi certainement le plus lu. Son intrigue est bien connue. Un matin, après une nuit troublée par des rêves agités, le narrateur, Gregor Samsa, se réveille dans le corps d'un cloporte. Mais le cauchemar dans cette histoire est ailleurs. Ce qui suscite l'effroi, du personnage principal comme du lecteur, ce n'est pas tant cette mystérieuse transformation que la façon dont la famille de Gregor y réagit, son père, sa mère et même sa douce sœur, qui pour finir le rejette et le laisse mourir de solitude et de chagrin. Le 27 novembre 1969 sur France Culture, Claude Riche nous racontait la métamorphose de Franz Kafka dans une adaptation de Jacqueline Clancier. France Culture présente en stéréophonie La Métamorphose d'après Franz Kafka. Adaptation radiophonique de Jacqueline Clancier. Avec Roger Coggio, Grégoire Samsa, Jacques Mauclair, le père, Berthe Chernel, la mère, José Stenner, la sœur, Jean-Pierre Mariel, le gérant, Laurence Badi, la femme de ménage, Jean Daguerre, Yves Pénaud, Jean-Jacques Stein, les locataires. Annick Corrigan, la bonne, et Claude Riche, le récitant. Musique originale de Karel Trot. Ensemble instrumental sous la direction du compositeur. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveille, transformé dans son lit en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une cuirasse. Et en levant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte, divisé par des nervures arquées. La couverture, à peine retenue par le sommet de cet édifice, était près de tomber complètement, et les pattes de Grégoire, pitoyablement minces pour son gros corps, papillotaient devant ses yeux. Comment est-il arrivé? Ce n'était pourtant pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre d'homme, quoiqu'un peu petite à vrai dire, se tenait bien sage entre ses quatre murs habituels. Au-dessus de la table où s'étalait sa collection d'échantillons de tissus, Grégoire était voyageur de commerce, on pouvait toujours voir la gravure qu'il avait découpée récemment dans un magazine et entourée d'un joli cadre doré. Cette image représentait une dame assise, bien droite, avec une toque et un tour de cou en fourrure. Elle offrait au regard des amateurs un lourd manchon dans lequel son bras s'engouffrait jusqu'au coude. Grégoire regarda par la fenêtre. On entendait des gouttes de pluie sur le zinc. Ce temps brouillé le rendit tout mélancolique. Si je me rendormais encore un peu pour oublier toutes ces bêtises. C'était absolument impossible. Il avait l'habitude de dormir sur le côté droit et ne pouvait pas parvenir dans sa situation présente à adopter la position voulue. Il avait beau essayer de se jeter violemment sur le flanc, il revenait toujours sur le dos avec un petit mouvement de balançoire. Il essaya bien 100 fois, en fermant les yeux pour ne pas voir les vibrations de ses jambes. Et n'abandonna la partie qu'en ressentant au côté une sorte de douleur sourde qu'il n'avait jamais éprouvée. Quel métier suis-je allé choisir? Tous les jours en voyage, des ennuis pires que dans le commerce de mes parents. Et par-dessus le marché, cette plaie des voyages. Les changements de train, les correspondances qu'on rate, les mauvais repas qu'il faut prendre, n'importe quand. À chaque instant, des têtes nouvelles, des gens qu'on ne reverra jamais, avec lesquels il n'y a pas moyen d'être camarade. Oh, que le diable emporte la boîte. Il sentit une petite démangeaison en haut du ventre. S'approcha un peu plus du bois de lit, en se traînant lentement sur le dos pour pouvoir mieux lever la tête, et aperçut à l'endroit qui le démangeait toute une série de petits points blancs auxquels il ne comprit rien. Il essaya de tâter l'endroit avec une de ses pattes, mais il dut la retirer bien vite car ce contact lui donnait des frissons glacés. Il reprit sa position première. Oh Dieu du ciel, il est 6h30. Mais le réveil n'a pas sonné. Le prochain train part à 7h, je ne peux pas l'avoir. Ma collection d'échantillons n'est pas empaquetée. De toute façon, la colère de mon patron est inévitable. Son garçon de course a dû m'attendre au train de 5h et certainement il a prévenu la maison. Et si je me faisais porter malade? Depuis 5 ans, je n'ai jamais eu la moindre indisposition. Cela semblerait suspect. Mon patron dirait qu'il n'y a jamais de malade, seulement des paresseux. Si. Merci, maman. Je me lève. À quelle heure arrive-t-il? Avant toute chose, me lever tranquillement, m'habiller et surtout déjeuner. Ensuite, je réfléchirai. Ce n'est pas au lit que je pourrais trouver une solution à ce problème. Cela arrive après tout éprouvé à la suite d'une fausse position, des petits malaises qui disparaissent dès que l'on se lève. Ma voix est quand même bizarre. J'ai dû attraper un chaud effroi. Il n'eut aucun mal à rejeter la couverture. Il se gonfla un peu et elle tomba d'elle-même. Mais ensuite, Grégoire fut gêné par sa carrure formidable. Pour se lever, il lui aurait fallu des bras et des jambes, et il ne possédait que de petites pattes en vibration continuelle, sur lesquelles il n'avait aucun moyen d'action. Avant d'en pouvoir plier une, il lui fallait d'abord s'étirer. Et quand il arrivait à exécuter le mouvement voulu, toutes les autres se déchaînaient sans contrôle, le faisant souffrir atrocement. Et il se mit à se balancer sur le dos pour sortir du lit dans toute sa longueur et d'une seule pièce. De cette façon, il pourrait toujours préserver sa tête en la tenant levée pendant le saut. Son dos, qui lui semblait assez dur, ne risquait rien sur le tapis. Il ne craignait que le vacarme de sa chute qui allait retentir dans toute la maison. Bientôt, il eut une moitié du corps hors du lit. Avec la nouvelle méthode, c'était plutôt un jeu qu'une corvée. Il n'y avait qu'à se balancer par secousses. L'opération était déjà si avancée qu'en accentuant son mouvement d'escarpolette, il se sentait presque perdre l'équilibre. Il lui fallait prendre une décision définitive, car il ne disposait plus que de 5 minutes avant l'écoulement du quart d'heure fatidique. Quelqu'un du magasin. Monsieur, madame, mes respects. Bonjour, monsieur le gérant. Veuillez excuser mon intrusion. Mon Dieu, c'est le gérant. Pourquoi faut-il que je sois condamné à servir dans une maison où l'on soupçonne toujours le pire à la moindre inadvertance ? Le directeur m'a chargé de m'informer pour quelle raison... N'aurait-il pas suffi d'envoyer au renseignement à un apprenti quelconque, au lieu de déranger immédiatement le gérant, comme pour montrer à toute la famille que l'éclaircissement d'une affaire aussi suspecte ne pouvait être confié qu'à l'intelligence du grand Manitou ? Monsieur le gérant vient demander pourquoi tu n'es pas parti au premier train. Nous savons que lui répondre avec ta mère. D'ailleurs, il veut te parler personnellement. Alors, ouvre ta porte. Il aura la bonté d'excuser le désordre de ta chambre. Bonjour, monsieur Sarsa. Mais mon fils est malade. Croyez-moi, monsieur le gérant. Comment aurait-il manqué le train sans cela ? Ce garçon n'a que son commerce dans la tête. Je me fais même du mauvais sang à voir qu'il ne sort jamais après souper. Croiriez-vous qu'il vient de passer 8 jours ici et qu'il est resté tous les soirs à la maison? Il s'installe devant la table et il reste là sans rien dire, à lire le journal ou à étudier ses indicateurs. Sa plus grande débauche, c'est de fabriquer des babioles avec sa scie à découper. Dernièrement, il a travaillé un petit cadre pour encadrer une gravure. En 2-3 séances, c'était fini et joli comme tout. Vous verrez ça dans sa chambre. Vous en serez étonné, monsieur le gérant. Dès que Grégoire ouvrira, vous pourrez regarder. D'ailleurs, je suis bien contente que vous ayez eu l'idée de venir. Sans vous, nous n'aurions jamais pu décider Grégoire à ouvrir sa chambre, tant ce garçon est têtu. Oh, il est sûrement malade, bien qu'il n'ait pas voulu en convenir ce matin. J'arrive. Je ne puis en effet, madame, m'expliquer la chose autrement. Espérons que ce ne sera rien de grave. Cependant, il me faut dire que nous autres, commerçants, devons souvent, par bonheur ou par malheur, comme vous voudrez, faire passer les affaires avant nos petits malaises. Allez, Grégoire. Monsieur le gérant, peux-tu l'enlever maintenant ? Non, papa. Monsieur Sansa, que se passe-t-il donc ? Vous vous barricadez là dans votre chambre. Vous ne répondez que par oui ou par non. Vous plongez inutilement vos parents dans l'angoisse. Et vous négligez vos devoirs professionnels. Je l'ajoute entre parenthèses, d'une façon complètement inouïe. Je parle ici au nom de vos parents et de votre directeur. Je vous prie très sérieusement de nous donner immédiatement une explication des plus nettes. Vous prenez pour un garçon tranquille, raisonnable. Voilà que tout d'un coup, vous vous donnez les airs de vouloir étonner la galerie par vos extravagances. Monsieur le directeur, me parlant ce matin de votre absence, m'ont proposé une interprétation que j'ai repoussée. Il faisait allusion aux encaissements qu'on vous a confiés depuis peu. J'ai engagé ma parole d'honneur que ça n'avait rien à voir avec vous. Mais maintenant, je suis bien obligé de constater votre endettement. Et je vous assure, monsieur Sansa, que cela vaut toute ma vie de reprendre jamais votre défense. Votre situation n'est pourtant pas si solide. J'avais d'abord l'intention de vous dire cela en tête à tête, mais puisque vous me faites perdre inutilement mon temps ici, je n'ai pas plus de raison de me taire devant vos parents. Sachez donc que votre travail de ces derniers temps ne vous a pas donné satisfaction. Nous reconnaissons, je peux bien, que la saison n'est pas propice aux grandes affaires. Mais apprenez, monsieur Samsa, qu'une saison sans aucune affaire, cela ne peut, ne doit et ne saurait exister. Mais monsieur le gérant, je vais vous ouvrir immédiatement. Je vais vous ouvrir. J'ai éprouvé un léger malaise, un vertige qui m'a empêché de me lever. Je suis encore dans mon lit, mais les forces me reviennent. Je me lève. Encore une seconde de patience. Ça ne va pas tout à fait aussi bien que je pensais. Oh, comment la maladie peut-elle vous prendre si vite? Comment? Hier soir encore, je n'allais pas trop mal demander à mes parents. Et pourtant, si. Hier soir, j'ai éprouvé un petit symptôme. On aurait bien dû le remarquer. Mais pourquoi n'ai-je pas prévenu au magasin? Mais voilà, on se figure toujours qu'on résistera à la maladie sans avoir à garder la chambre. Monsieur le gérant, épargnez mes parents. Les reproches que vous m'avez faits tout à l'heure sont vraiment dépourvus de fondement. On ne m'en avait d'ailleurs jamais rien dit. Vous n'avez peut-être pas vu les dernières commandes que j'ai envoyées. Je vais partir au train de 8 heures. Ces quelques instants de repos m'ont fait du bien. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, monsieur le gérant. Je vais arriver tout de suite au magasin. Ayez la bonté d'en prévenir, monsieur le directeur, et de me recommander à sa bienveillance. Avez-vous compris un seul mot de son histoire? J'espère tout de même qu'il ne veut pas se moquer de nous. Oh mon Dieu! Il est peut-être gravement malade et nous qui passons notre temps à le torturer. Grete, va chercher le médecin immédiatement pour ton frère. Vite, ma petite fille, un médecin. C'était une voix d'animal. Oui, Anna! Allez vite chercher le serrurier. En me soutenant à la chaise, je pourrais peut-être aller jusqu'à la porte. Thank you. arrivé à la porte, il se jeta contre elle et se maintint debout. Ses pattes sécrétaient une substance collante. Il se reposa un moment de son effort. Après quoi, il essaya d'ouvrir la serrure avec sa bouche. Comment saisir la clé? S'il n'avait pas de vraies dents, il possédait en revanche des mâchoires très robustes. Il arriva effectivement à remuer la clé en négligeant le mal qu'il pouvait se faire. Il lui coulait des lèvres un liquide brunâtre qui se répandait sur le tapis. Je me suis passé du serrurier. Le gérant était le plus près de la porte. Il pressa sa main sur sa bouche ouverte et battit en retraite lentement. Comme si quelque force invisible et d'intensité constante lui repoussait de cet endroit. Je vais m'habiller tout de suite, ranger mes échantillons et partir. Voulez-vous me laisser partir? Voulez-vous? Vous voyez bien, monsieur le gérant, que je n'y mets pas d'entêtement. Les voyages sont pénibles, mais je ne saurais m'en passer. Où allez-vous donc, monsieur le gérant? Au magasin? Oui? Leur ferez-vous de tout un rapport fidèle? Je suis dans une mauvaise passe, mais j'en sortirai par le travail. Seulement, ne me rendez pas la chose trop difficile. Elle l'est déjà suffisamment. Prenez mon parti au magasin. Oh, je sais bien qu'on n'aime pas le voyageur. On croit qu'il gagne un argent fou et qu'il mène une vie de pacha. Et je comprends que la situation actuelle n'encourage pas à revenir sur ce préjugé. Mais vous, monsieur le gérant, vous n'ignorez pas que le voyageur, qui n'est presque jamais au magasin de toute l'année, se trouve souvent victime d'un simple racontard, d'un hasard, d'une réclamation gratuite, et qui lui est absolument impossible de se défendre, puisqu'il ne l'apprend qu'en revenant épuisé de son voyage. Quand les tristes conséquences d'une affaire aux causes de laquelle il ne peut plus remonter le font pâtir dans son propre corps. Monsieur le gérant, ne partez pas sans un geste qui me montre que vous me donnez au moins un petit peu raison. Le gérant s'était détourné pour ne plus le regarder, tout agité d'un tremblement convulsif. Il s'était retiré petit à petit vers la porte. On eût dit qu'une loi secrète lui interdisait de quitter la pièce. Il avait déjà gagné le vestibule, et quand il sortit le dernier pied de la salle à manger, ce fut d'un mouvement si brusque qu'on eût pu croire que le plancher lui brûlait les pieds. Puis il lança de loin sa main vers la rampe comme si quelque délivrance surnaturelle l'attendait au bas de l'escalier. Il ne faut à aucun prix qu'il parte comme cela si je veux conserver mon poste. Il faut absolument que je l'arrête, que je le calme, le persuade. Oh, si ma sœur était là. Il aime les dames, il l'écouterait certainement. Mais voilà, elle n'est pas là. Toutes les négociations m'incombent. Il abandonna son battant de porte, passa par l'ouverture pour rattraper le gérant, chercha vainement un appui et tomba sur ses pattes grêles en poussant un petit cri. Il ressentit aussitôt, pour la première fois de la matinée, une impression de bien-être physique. Il remarqua joyeusement que ses pattes lui obéissaient à merveille et brûlaient même de le porter où il voudrait. Et déjà, il se prenait à croire que la fin de ses maux était venue. Mais tandis qu'il se balançait sur place sous l'influence de son besoin de courir, sa mère, qui était tombée sur le sol, subitement fit un bond, lança ses bras dans l'espace en écarquillant les doigts. Au secours! À l'aide! Maman! À l'aide! Maman! La mère se remit à crier, abandonna brusquement la table et tomba dans les bras du père qui accourait au-devant d'elle. Puis le père empoigna de la main droite la canne que le gérant avait abandonnée sur une chaise, saisit de la main gauche un journal qui traînait sur la table et se mit en devoir de taper des pieds tout en agitant le journal et la canne pour repousser Grégoire dans ses quartiers. Nulle prière n'y fit, nulle d'ailleurs ne fut comprise. Grégoire avait beau tourner vers lui une tête suppliante, si humble qu'il se montra, son père n'en prenait note que pour redoubler ses piétinements. Si je pouvais me retourner, j'aurais vite fait de regagner ma chambre. Mais je vais impatienter mon père et j'ai peur de recevoir un coup sur la tête. La mère avait ouvert la fenêtre toute grande. Et malgré le froid, se penchait au dehors le plus possible et pressait son visage entre ses mains. Un grand courant d'air balaya l'espace de la salle à l'escalier. Les rideaux se gonflèrent, les journaux se froissèrent. Quelques feuilles vinrent voltiger au-dessus du parquet. Et le père, impitoyable, traquait son fils en poussant des sifflements de sioux. Et Grégoire, qui n'était pas entraîné à la marche arrière, ne reculait que bien lentement. Lorsque je marche en arrière, je ne suis plus maître de ma direction. Il faut que je commence mon mouvement tournant à toute vitesse. Peut-être que mon père va remarquer ma bonne volonté. Oh, si seulement il voulait cesser ce sifflement insupportable. Oh, j'en perds complètement les sens. Enfin, l'ouverture de la porte. Oh, c'est affreux, mon corps est trop large pour passer. Jamais mon père ne va supporter mes essais pour me dresser et passer debout. Tant pis. Arrive que pourra. Il se jeta dans l'ouverture de la porte. Il y demeura dans une position oblique, le corps levé d'un côté et le flanc râpé par le bois du chambranle dont la peinture blanche se couvrit de vilaines taches brunes. Il était pris et ne pouvait s'en tirer seul. D'un côté, ses pattes flottaient en l'air, vibrant dans le vide. De l'autre, elles s'étaient douloureusement coincées sous son corps. Alors le père lui envoya par derrière un coup solide qui cette fois procura à Grégoire un véritable soulagement. Il décrivit une trajectoire assez longue et tomba au milieu de la chambre, perdant son sang. La porte fut fermée d'un coup de canne et le silence se mit enfin à régner. Naturellement, personne ne vint plus chez lui jusqu'au matin, et il eut tout le temps désirable pour méditer l'organisation de sa nouvelle vie. Mais cette grande chambre où il était obligé de rester à plat sur le sol lui faisait peur, sans qu'il pût en comprendre la cause. Pourtant, il y habitait depuis 5 ans, mais par un réflexe presque inconscient, dont il eut cependant un peu honte, il se glissa hâtivement sous le canapé. Ce fut là qu'il passa toute la nuit, tantôt plongé dans un demi-sommeil dont les affres de la faim le réveillaient en sursaut, tantôt remâchant son inquiétude et ses vagues espérances, pour finir toujours par conclure que son devoir était provisoirement de se tenir quoi et de rendre supportable aux siens, par sa patience et ses égards, les désagréments que sa situation leur imposait malgré lui. De bon matin, sa sœur ouvrait la porte de sa chambre. Elle ne découvrit pas tout de suite Grégoire. Il faut bien qu'il soit quelque part, voyons. Il ne s'est pourtant pas envolé. Oh ! Sous le canapé ! Non. Il faut que je revienne. Il n'a pas touché au lait. Il faut que je lui apporte autre chose. Elle ramassa le récipient sans le toucher avec un chiffon de papier et l'emporta. Va-t-elle m'apporter quelque chose qui me plaise ? Oh, si elle ne le fait pas d'elle-même, j'aime mieux mourir de faim que d'attirer son attention là-dessus. Malgré l'envie qui me dévore de me jeter à ses pieds et de lui demander quelque chose de mangeable. La voilà. Des trognons de légumes à moitié pourris. Des os du dîner de la veille. Couvert d'une sauce blanche figée, des raisins de Corinthe, des amandes, un fromage que j'ai déclaré immangeable l'autre jour. Tiens, c'est curieux, je le trouve délicieux aujourd'hui. Par ailleurs, je me sens en pleine forme. Mes blessures d'hier après-midi doivent être guéries. C'est même étrange. Quand je pense qu'il y a 2 mois, je m'étais fait au doigt une légère coupure dont je souffrais encore avant-hier. Suis-je donc devenu moins sensible ? Il avait fini de manger depuis longtemps et restait paresseusement à digérer à la même place quand sa sœur se mit à tourner lentement la clé pour lui donner le signal de la retraite. Il se hâta de regagner le dessous du canapé. Il lui fallut beaucoup de courage pour rester dessous pendant le temps très court que sa sœur mit à faire la chambre. À travers ses larmes, il vit sa sœur qui, sans penser à mal, balayait avec les restes de son repas les choses auxquelles il n'avait pas touché, comme s'il en ne pouvait plus rien en faire. Elle se dépêcha de tout jeter dans un seau qu'elle ferma d'un couvercle de bois et qu'elle emporta à la hâte. Et depuis lors, chaque matin avant le réveil de ses parents, et chaque midi, pendant leur sieste, Grete apportait sa nourriture à Grégoire. Certainement, mes parents ne veulent pas que je meure de faim. Mais ils aiment mieux, sans doute, ne connaître mes repas que par ouï-dire. Ils n'en supporteraient peut-être pas la vue. Peut-être aussi, ne sont-ils pas si dégoûtés? Peut-être ma sœur tient-elle simplement à leur épargner la moindre peine. Il faut bien reconnaître qu'ils ont assez de malheur. Comme personne ne réussit à me comprendre, personne n'imagine que je peux comprendre les autres. Je dois me contenter quand Grete vient dans ma chambre de l'entendre invoquer les saints entre 2 soupirs. J'ai surpris parfois sur ses lèvres des réflexions qui témoignent de sa gentillesse. Je vais aller dans mon fauteuil. J'aime y être. Moins pour jouir de la vue qu'en souvenir de l'impression de délivrance que j'avais éprouvée autrefois en regardant à travers les carreaux. Car maintenant, je deviens de jour en jour de plus en plus myope. Je ne peux même plus apercevoir l'hôpital d'en face, que je maudissais dans le temps parce que je le voyais trop. Si je ne savais que j'habite une rue calme mais urbaine, je pourrais croire que ma fenêtre donne sur un désert où le ciel et la terre confondent leur gris. Depuis que ma sœur a vu deux fois ce fauteuil près de la fenêtre, elle a compris. Maintenant, toutes les fois qu'elle fait ma chambre, elle pousse le fauteuil près de la croisée. Hier, elle est arrivée un peu plus tôt que d'habitude. Je n'avais pas eu le temps de regagner le dessous du canapé. Elle me trouva en train de regarder par la fenêtre, immobile. Elle eut un sursaut en arrière et ferma la porte à clé. Je vis bien que mon aspect n'avait pas cessé de lui inspirer de la répugnance. Qu'il en serait toujours ainsi. Et qu'elle devait même se faire une grande violence pour ne pas s'enfuir à la seule vue d'un petit morceau de mon corps dépassant du canapé. La prochaine fois, je prendrai un drap de lit sur mon dos et le mettrai sur le canapé. Comme cela, elle ne pourra absolument pas m'apercevoir. Ce doit être ma mère et ma sœur qui reviennent dans la salle à manger. Grete, je t'admire. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans toi? Tu as un courage et une autorité. Tu as bien changé. Toi, avant qu'il ne t'occupait de rien. Dans quel état le trouves-tu? Est-ce qu'il mange toujours bien? Est-ce qu'il n'y a pas un léger mieux à constater? Je voudrais bien le voir. Non, maman, il ne faut absolument pas. Hier encore, je l'ai surpris dans le fauteuil près de la fenêtre. Je n'ai pas pu résister, c'était horrible. Il ne change pas. Non, il ne change pas. Laisse-moi voir, Grégoire, c'est mon pauvre fils malheureux. Tu ne comprends donc pas qu'il faut que je le voie. Bon, alors attends, maman. Je vais entrer la première. Et puis tu vas peut-être pouvoir m'aider, car je n'ose pas le demander à papa. Depuis quelque temps, Grégoire a pris l'habitude de se promener dans tous les sens. Comment, dans tous les sens? Eh bien oui, sur les murs, sur le plafond, il doit faire cela la nuit. Le matin, je trouve des traces de son passage. Sur le plafond? Des traces de son passage? Alors j'ai imaginé de lui faciliter ses promenades. On pourrait faire disparaître les meubles les plus gênants, surtout le bahut et le bureau, par exemple. Ah oui. Bon. Puisque tu le penses ainsi, je vais t'aider. Attends. J'entre la première. On va ouvrir la porte à double battant. Ça va, maman. Il est sous le canapé. Tu peux venir. On ne le voit pas. Il y a même un grand drap blanc sur le canapé. Non, Grete, fais attention, tu vas te faire mal. Laisse-moi t'aider, ce meuble est trop lourd. Je crains qu'on n'ait pas fini avant l'arrivée de ton père, et si on le met au milieu de la chambre, il bouchera le passage dans tous les sens. Et puis, je ne sais pas si Grégoire sera satisfait de la disparition de son mobilier. Ce mur vide me serre le cœur. Il se sentira peut-être délaissé dans sa chambre vide. Il va penser que nous renonçons à l'espoir de le voir guérir, que nous l'abandonnons. Je crois que le mieux serait de conserver la chambre exactement comme autrefois, pour que Grégoire ne trouve aucun changement quand il reviendra, et qu'il l'oublie plus facilement. pourquoi parles-tu si bas? Je ne sais pas. Pourtant, je sais bien que Grégoire ne peut pas comprendre ce que je dis. Non, non, je ne suis pas de ton avis. Grégoire a besoin de beaucoup d'espace pour ses promenades et il n'utilise jamais les meubles. Je veux tout sortir, sauf le canapé. Bon. Bon. Mais Grégoire avait beau se dire qu'il ne se passait rien d'extraordinaire et qu'on déplaçait seulement quelques morceaux de bois, il devait s'avouer qu'il ne supporterait pas longtemps ce supplice. Un ou deux meubles, Grégoire pouvait à la rigueur s'en passer. Mais elle lui vidait sa chambre, lui emportait tout ce qu'il aimait. Elles avaient déjà fait disparaître le bahut, où il rangeait sa scie à découper et tout son petit outillage. Elle dégageait maintenant le bureau solidement ancré dans le parquet depuis le temps qu'il était en service. Ce bureau sur lequel il avait écrit ses devoirs de l'école de commerce, et même de l'école primaire. Il opéra donc une sortie, pendant qu'elle restait appuyée sur le bureau dans la pièce voisine pour souffler un peu. Il ne savait pas où commencer son sauvetage. Lorsqu'il aperçut l'image de la dame toute en fourrure, qui prenait une importance énorme sur le mur vide. Il se dépêcha de monter sur la cloison et de s'appuyer sur le verre qui adhéra à son ventre brûlant et le rafraîchit d'une façon délicieuse. Cette image que Grégoire recouvrait complètement, personne au moins ne viendrait la prendre. Il tourna la tête vers la porte de la salle à manger pour pouvoir observer les femmes à leur retour. Elles revenaient déjà chez lui. Eh bien, à qui le tour maintenant? Ses yeux croisèrent alors ceux de Grégoire perchés sur son mur. Allons, viens, maman. Nous ferions sans doute mieux de retourner un moment dans la salle à manger. Oh! Oh! Mon Dieu! Là, sur le mur! Oh! Oh, Grégoire, notre mère s'évanouit! Grete courut chercher des sels dans le buffet de la salle à manger pour réveiller sa mère. Grégoire décida de l'aider. Hélas, il se trouvait collé solidement au verre et dut faire un effort violent pour se dégager. Il courait derrière sa sœur, mais ne put que se tenir passivement derrière elle pendant qu'elle fourrageait dans les fioles. Quand elle se retourna, elle eut si horriblement peur que, se chargeant de toutes les fioles, elle se précipita dans la chambre vers sa mère en fermant la porte d'un coup de pied. Grégoire se trouva donc séparé de sa mère qui était peut-être près de mourir par sa faute, et dévoré de remords et d'inquiétude, il se mit à vagabonder sur les murs, sur les meubles et le plafond de la salle à manger. Bientôt, tout tourna autour de lui et, désespéré, il finit par tomber au milieu de la grande table. Évidemment, la bonne est encore barricadée dans sa cuisine. C'est toujours moi qui vais ouvrir. Qu'est-ce que tu as, Grete? Que s'est-il passé? Maman s'est évanouie, elle commence à s'en remettre. Grégoire a fait des siennes. Ben, je m'y attendais. N'ai jamais cessé de vous prévenir, mais les femmes ne veulent rien entendre. Ah! Te voilà, Grégoire! Est-ce mon père? Il y a plusieurs mois que je ne l'ai vu, bien sûr. Est-ce bien lui qui restait enfoui dans son lit, fatigué, quand je partais autrefois en voyage? Il me recevait en robe de chambre à mon retour, dans un fauteuil d'où il ne pouvait même pas se lever. Comme il s'est redressé. Qu'est-ce que cet uniforme bleu avec des boutons d'or, comme celui du personnel des maisons de banque? Pourquoi s'avance-t-il sur moi menaçant, en levant les pieds très haut? Il me poursuit. Tout ce que je peux faire, c'est m'arrêter quand il s'arrête. Repartir quand il repart. Bientôt, je ne pourrai plus continuer à cette allure. Je commence à m'essouffler et à clopiner. Monsieur Samsa avait vidé la coupe à fruits de la crédence, garni ses poches de projectiles. Une pomme lancée mollement effleura la carapace de Grégoire et glissa dessus sans lui faire de mal. Mais la suivante s'enfonça littéralement dans son dos. Il voulait se traîner plus loin, comme si ce déplacement pouvait calmer l'horrible souffrance qui venait de le surprendre. Mais il se sentit cloué sur place et s'étira sans plus savoir ce qu'il faisait. Son dernier regard lui montra la porte de sa chambre qui s'ouvrait brusquement. Sa sœur criait, précédée de la mère qui arrivait en toute hâte, sans corsage, perdant ses jupes une à une, trébuchait dedans, embrassait son mari, le pressait contre elle et les mains croisées sur sa nuque. La pomme que personne n'osa extraire demeura incrustée dans le dos de Grégoire. La blessure dont il souffrit pendant plus d'un mois sembla avoir rappelé à son père que malgré sa triste métamorphose, il n'en demeurait pas moins un membre de la famille. Ma blessure m'a fait perdre peut-être pour toujours mon agilité. Pour traverser simplement ma chambre, il me faut un temps infini. Il faut que je fasse mon deuil de mes promenades sur les murs. Ma sœur, maintenant qu'elle travaille, ne cherche plus à deviner ce qui pourrait me faire plaisir. Elle paraît en coup de vent deux fois par jour avant d'aller au magasin et me pousse du pied un morceau de n'importe quoi par la porte. Elle ne nettoie plus ma chambre. Des petits tas de poussière et d'ordures s'accumulent dans tous les coins. J'ai beau m'installer aux endroits les plus malpropres au moment de son arrivée pour lui faire comme un reproche, bien qu'elle voie la saleté aussi bien que moi, elle a décidé une fois pour toutes de la laisser en place, voilà. Pourtant, si elle trouve trop pénible de s'occuper de moi depuis qu'elle travaille, elle pourrait en charger la femme de ménage. Depuis le départ de notre bonne, c'est une femme de peine qui s'occupe du ménage. Il lui est arrivé une fois d'ouvrir la porte de ma chambre, et elle est restée là plantée, les mains sur le ventre, tout étonnée à ma vue. Depuis ce jour, matin et soir, la femme glisse un coup d'œil dans ma chambre. Voyez-moi ce vieux mange-bouse. Arrive ici, un vieux cancrelat. Je ne réponds que par le silence et reste immobile. Maintenant, je ne mange presque plus. Quand je passe devant ma pitance, j'en prends un morceau que je garde dans la bouche pendant des heures pour finir en général par le cracher. J'ai d'abord attribué mon manque d'appétit à la tristesse où me plongeait l'état de ma chambre. Pourtant, je me suis vite réconcilié avec son nouvel aspect. Ma famille a pris l'habitude de fourrer chez moi toutes les choses qu'on ne peut mettre autre part. Maintenant qu'on a loué une des pièces de l'appartement à trois messieurs qui ont sans doute apporté tout ce qui leur était nécessaire, il y a une foule d'objets superflus qu'on ne peut ni jeter ni vendre. On les a tous mis dans ma chambre. Suivi bientôt de la poubelle et du cendrier. Ils restent à l'endroit même où ils ont atterri le premier jour. Je suis obligé de me promener à travers ce bazar pour me faire de la place. C'est un jeu auquel je prends un goût croissant. Malgré la tristesse et la fatigue épouvantable qui suivent ces pérégrinations, elles me laissent paralysé pendant des heures. Il m'arrive maintenant de ne pas profiter des soirées où l'on ouvre, et de rester couché dans le coin le plus sombre de ma chambre sans que ma famille s'en aperçoive. Je ne le fais pas pour me cacher. J'ai perdu ces derniers temps cette perpétuelle crainte de gêner qui faisait autrefois mon orgueil. Pourtant, je n'ai jamais eu tant de raisons de me cacher. Car avec les saletés qui s'étalent dans ma chambre et qui volent au moindre mouvement, je suis toujours couvert de poussière, de boules fines, de cheveux, de restes de mangeaille qui se collent sur moi et que je traîne partout avec moi. Mais ce soir, la bonne a oublié de refermer complètement ma porte. Les trois locataires entrent. Ils vont s'asseoir à table, aux places qu'occupaient habituellement le père, la mère et la sœur. Déplient leurs serviettes et prennent en main leurs fourchettes et leurs couteaux. Aussitôt, la mère paraît sur le seuil avec un plat de viande. La sœur, derrière, porte un échafaudage de pommes de terre sur un second plat. Les nourritures fument. Elle les dépose devant eux. Des locataires se penchent sur elle comme pour les soumettre à un examen préalable. Celui qui est assis au milieu semble faire autorité. Il coupe un morceau de viande pour savoir s'il est assez tendre ou s'il doit la renvoyer à la cuisine. Il paraît satisfait. Et les deux femmes qui ont suivi consciencieusement l'opération laissent voir un sourire de soulagement. Le père arrive. Il s'incline, la casquette à la main, et fait le tour de la table. Les trois locataires se lèvent en chœur en marmonnant quelque chose dans leur barbe. Les parents sortent, laissant la porte ouverte. Seuls, les locataires se mettent à manger sans un mot. Oh, comme ces messieurs se nourrissent. Pendant ce temps, moi, j'ai le droit de mourir. J'ai bien faim. Mais je n'ai plus faim de ces choses-là. Ce soir-là, le son d'un violon retentit à la cuisine. Les trois messieurs se lèvent étonnés et se dirigent sur la pointe des pieds vers la porte du vestibule. Malgré leurs précautions, le père les a entendus de la cuisine. Est-ce que le violon gêne ces messieurs ? On pourrait le faire cesser tout de suite. Mais au contraire, si mademoiselle veut venir avec nous, elle y serait mieux et plus confortable. Mais bien sûr. Le père arrive avec le pupitre, la mère avec la musique et la sœur avec le violon. Les parents craignent de se montrer grossiers en utilisant leur propre siège. Le père s'appuie donc contre la porte, une main entre les boutons de sa livrée. Mais l'un des messieurs offre une chaise à la mère, qui n'ose pas la changer de place, et reste assise à part, dans un coin, durant le reste de la séance. Les trois locataires qui se sont d'abord installés, les mains dans les poches beaucoup trop près du pupitre, ont vite fini par se retirer en bavardant à mi-voix, la tête baissée, vers la fenêtre où ils restent sous le regard préoccupé du père, qui les observe attentivement. À la façon dont ils soufflent la fumée de leurs cigares, à l'énergie avec laquelle ils l'envoient au plafond par le nez ou par la bouche, on devine leur agacement et leur déception. Attiré par la musique, Grégoire s'est avancé légèrement et il a déjà toute la tête dans la salle. Monsieur Samsa ! Le monsieur se tourne vers ses amis avec un sourire accompagné d'un hochement de tête, puis ramène les regards sur Grégoire. Le père semble trouver plus urgent de rassurer ses locataires que de chasser son fils. Il court les bras en croix sur les trois messieurs qu'il tâche de refouler dans leur chambre tout en cachant la vue de Grégoire avec son corps. Les locataires commencent alors à se fâcher réellement. Mais on ne sait plus si c'est à cause du père ou à cause du voisinage qu'on leur a imposé à leur insu et dont ils prennent brusquement conscience. Ils lèvent eux aussi les bras, tiraillant nerveusement leur barbe tout en reculant. Nous voudrions bien avoir des explications. Je vous annonce qu'en présence de la situation infecte qui règne dans cette famille et qui déshonore ses murs, je vous signifie mon congé immédiat. Naturellement, vous ne toucherez pas à un sou pour le temps que j'ai habité chez vous. Je me demande même si je ne dois pas exiger un dédommagement qui serait facile à motiver, croyez-moi. C'est une question que je vais mettre à l'étude. Nous vous signifions, nous aussi, notre congé immédiat. Après cette scène, le père se dirigea vers son fauteuil en tâtonnant et se laissa tomber dessus comme une masse. Grégoire était resté tout le temps sans bouger à l'endroit où l'avaient surpris les locataires. Il se sentait complètement paralysé. Il redoutait que la maison tout entière ne finît par s'écrouler sur son dos. Il situait avec précision le moment de cette catastrophe dans la minute qui allait suivre, et il attendait. Mes chers parents, cette situation ne peut pas durer. Si vous ne vous en rendez pas compte, moi je le sens. Je ne veux pas prononcer le nom de mon frère en parlant du monstre qu'il y a ici. Je vous dirai donc simplement, il faut chercher à nous débarrasser de ça. Nous avons fait tout ce qui était humainement possible pour le soigner et le supporter. Je crois que personne ne pourra nous adresser le moindre reproche. Tu as 100 fois raison. Il faut chercher à nous en débarrasser. Il finira par nous conduire à la tombe, et sans tarder. Quand on a un travail comme le nôtre toute la journée, on ne peut pas supporter par-dessus le marché ce supplice perpétuel en rentrant chez soi. Moi, je suis à bout. Mais ma petite, que devons-nous faire, alors ? S'il nous comprenait... Mais c'est impossible. S'il nous comprenait, peut-être y aurait-il moyen de s'entendre avec lui. Mais dans ces conditions... Mais qu'il aille au diable, c'est la seule solution, papa. Tu n'as qu'à tâcher de te débarrasser de l'idée que c'est Grégoire. Nous avons cru cela trop longtemps, et c'est là tout notre malheur. Oh, regarde, papa, le voilà qui recommence. Et soudain, Grete abandonna sa mère si brusquement que le fauteuil vacilla. On lui dit qu'elle aimait mieux la sacrifier que de rester à proximité de Grégoire. Mais Grégoire ne pensait à rien moins qu'à effrayer quelqu'un, surtout sa sœur, Il avait simplement commencé un mouvement de rotation destiné à le ramener dans sa chambre. Sa faiblesse l'obligeait à céder de la tête dans les tournants difficiles. Maintenant, ils vont sans doute me laisser tourner. À peine fut-il dans sa chambre que la porte s'en trouva poussée, verrouillée et fermée à double tour. Le vacarme fut si subit qu'il en plia sur ses pattes. Enfin! Comme tout est noir autour de moi, c'est Great qui a dit tout ça, qui a fermé ma porte avec cette violence, cette haine. Ma sœur, qui il y a un instant jouait si bien, avec un regard si profond et si triste. J'aurais voulu essayer de rencontrer ce regard. Ne suis-je donc qu'une bête? J'étais décidé tout à l'heure à me frayer un chemin jusqu'à elle et à la tirer par la robe pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle vienne dans ma chambre. Parce que personne ici ne récompenserait sa musique par l'admiration que seul je lui aurais témoignée. Je ne l'aurais plus laissé sortir de ma chambre. Oh, bien sûr, je n'aurais pas voulu obliger ma sœur à rester chez moi. Elle aurait dû y demeurer volontairement, s'asseoir près de moi sur le canapé et me prêter enfin l'oreille. Alors je lui aurais dit en confidence que j'avais eu l'intention bien arrêtée de l'envoyer au conservatoire. Et que je voulais déclarer cela devant tout le monde, sans m'inquiéter des objections, pas plus tard qu'à la Noël dernière, si le malheur n'était pas survenu si tôt. Ma sœur, émue par cette explication, aurait éclaté sûrement en larmes, et moi je l'aurais embrassée dans le cou. Maintenant, je ne peux plus faire un mouvement, mais cela ne m'étonne pas. Je serais plutôt surpris de pouvoir remuer. D'ailleurs, j'éprouve une sensation de bien-être. Je sens bien encore quelques douleurs dans mon corps. Mais il me semble qu'elles deviennent de plus en plus faibles. Elles finiront bien par disparaître complètement. Je ne souffre déjà presque plus de la pomme pourrie toujours incrustée dans mon dos, ni de l'inflammation des parties voisines qui sont toutes couvertes maintenant d'une poussière fine. Krait a dit qu'il fallait que je parte. Bien sûr, je le sais. Mon opinion sur ce point est encore plus arrêtée, s'il est possible, que celle de ma sœur. Partirai. Déjà 2 heures du matin. Il faut que j'essaie de dormir. C'est le printemps. Et l'aube ne va pas tarder. J'aime être réveillé à ce moment-là et voir devant ma fenêtre le paysage qui commence à s'éclaircir. Thank you. Quand la femme de peine arriva de grand matin, elle ne remarqua d'abord rien de particulier en venant rendre à Grégoire sa petite visite accoutumée. Elle pensa qu'il faisait exprès de rester immobile pour jouer au monsieur offensé, car elle le croyait capable de tous les raffinements. Comme elle avait par hasard le grand balai à la main, elle chercha à le chatouiller depuis la porte. Le succès de sa plaisanterie la mit en colère et elle envoya quelques bons coups de balai sous lesquels le corps recula sans résistance. Elle eut vite fait de s'en rendre compte de la situation. Venez donc voir! Il est crevé! Il est là, il est couché par terre, il est crevé comme un rat! Que dites-vous? Mort? Et comment? Eh bien, nous pouvons remercier Dieu. Voyez comme il était maigre. Il y avait si longtemps qu'il ne mangeait plus rien. Sa pitance sortait de la chambre exactement comme elle y entrait. Allons, Grete. Ne restons pas là. Viens avec nous dans notre chambre. Grete suivit ses parents, non sans se retourner plusieurs fois pour jeter un coup d'œil sur le corps. La femme de peine ferma la porte. Ouvrit la fenêtre à deux battants. Malgré l'heure matinale, l'air frais se mêlait d'une sorte de tiédeur. C'était déjà la fin de mars. Tous trois décidèrent immédiatement de consacrer cette journée au repos. Ils avaient bien mérité ce répit. Ils en avaient surtout un besoin absolu. Ils s'assirent donc à la table pour écrire trois lettres d'excuses. Monsieur Samsa à son directeur, Madame Samsa à son patron et Grete à son chef de rayon. Un instant, Grete et sa mère allèrent à la fenêtre et restèrent là, enlacés. Allons, venez. Ne ruminez donc plus comme ça les vieilles histoires. Vous pouvez bien penser un peu à moi. Les femmes lui obéirent aussitôt, elles se précipitèrent sur lui, le couvrirent de caresses et se dépêchèrent de finir leurs lettres. Ensuite, ils quittèrent ensemble l'appartement, ce qui leur était plus arrivé depuis des mois, et ils allèrent prendre le tramway pour filer à la campagne. Dans la voiture, il n'y avait pas d'autres voyageurs. Elle était toute ensoleillée. Il y régnait une douce chaleur. Confortablement appuyés sur leur dossier, ils discutèrent de leurs chances d'avenir. Il se trouva qu'à y regarder de près, ces chances n'étaient pas, mon Dieu, tellement mauvaises, car ils avaient trouvé tous les trois des situations vraiment intéressantes et qui promettaient surtout beaucoup pour plus tard. La plus grosse amélioration de leur situation actuelle, ils l'obtiendraient en déménageant immédiatement. Il louerait un appartement moins cher et plus petit, mais plus pratique, et surtout mieux situé que leur logement présent qui avait été choisi par Grégoire. En regardant parler leur fille qui s'animait de plus en plus, monsieur et madame Samsa remarquèrent presque en même temps que Grete s'était considérablement épanouie dans les derniers mois. C'était maintenant une belle jeune fille aux formes pleines. Ils échangèrent un regard complice. Ils songèrent tous deux qu'il allait être temps de lui trouver un brave mari. Et il leur sembla voir, dans le geste de leur fille, une confirmation de leur nouveau rêve. Un encouragement à leurs bonnes intentions, quand, au terminus du voyage, la petite se leva la première pour étirer son jeune corps. Thank you. France Culture vous a présenté en stéréophonie La Métamorphose d'après Franz Kafka. Adaptation radiophonique de Jacqueline Clancier. Avec Roger Coggio, Grégoire Samsa, Jacques Mauclair, le père, Berthe Chernel, la mère, José Stenner, la sœur, Jean-Pierre Marielle, le gérant, Laurence Badi, la femme de ménage, Jean Daguerre, Yves Pénaud, Jean-Jacques Stine, les locataires, Annick Corrigan, la bonne, et Claude Rich, le récitant. Musique originale de Karel Trau. Ensemble instrumental sous la direction du compositeur. Bruitage Joé Noël. Chef opérateur du son Madeleine Sola. Collaboration technique Serge Elbaud. Assistante Ève-Augustin Enroux. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 novembre 1969. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Passer ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces, des gens dans l'automne, moi je n'attends personne.